L'âge de l'insouciance, où les cœurs entrent en transe. Bousculade d'hormones, exhalant les subtils arômes. L'âge des amours sans peine, l'amour comme l'écran, avec des yeux d'enfant. Premiers émois, le corps devient roi, l'esprit, on verra, il faut que tout le monde voie ça. Époque bénite du simple baiser, synonyme du verbe aimer. L'amour est si facile, tous ces instants si tactiles. À peine l'âge des amours sans peine, l'amour comme l'écran avec des yeux d'enfant. Pour eux, le temps des principes, des relations critiques, du besoin de ne faire plus qu'un et de ne vivre que pour un. Ils apprendront bien assez tôt que l'amour n'est pas aussi beau. Ils regretteront leur insouciance lorsque leurs rêves seront souffrance. Ces ans à peine, l'âge des amours sans peine, l'amour comme l'écran, avec des yeux d'enfant.